Chapitre 10. L'audience. Une foule compacte se massait aux abords du palais de justice. Les rues avoisinantes étaient pleines de curieux. On ne parvenait à conserver aux piétons et aux voitures un étroit passage qu'en employant toutes les ressources dont dispose la police à Paris. La cour, le grand escalier, la salle des pas perdus présentaient un aspect spécial, particulier au jour où la cour d'assises promet de dépasser le palpitant intérêt d'un drame de boulevard. Le président était depuis 15 jours assiégé de demandes de cartes. On comptait sur la présence d'un grand nombre de sommités du meilleur monde parisien. Un ambassadeur étranger avait fait garder un fauteuil. Le ministre de la Justice s'était fait annoncer. Le vestiaire des avocats n'avait jamais compté tant de docteurs et de stagiaires avides d'écouter les débats d'une cause palpitante. Les personnes munies de cartes roses les tenaient à la main, bien en évidence, et les auraient volontiers attachées à leur boutonnière ou à leur chapeau, comme s'il s'était agi d'un steeplechase. En effet, depuis 8 jours, chacun faisait la chasse aux billets. Outre les privilégiés munis de cartes, une foule bruyante formait une queue énorme. Ouvriers, femmes du peuple, petits rentiers, enfants pâles et maladifs se pressaient, se foulaient, se questionnaient sur la famille Pomerol, la nature du crime, le peu de probabilité de l'acquittement de l'accusé. Une vingtaine de fondeurs et de ciseleurs de la fabrique de Charenton étaient accourus pour donner une dernière preuve d'intérêt et de souvenir à la famille de leur ancien patron. Aucun d'eux ne ressentait de sympathie pour Xavier. On le savait dur, orgueilleux, désœuvré. On le connaissait à peine. Mais Antonin Pomerol, dont le nom se trouvait dans toutes les bouches, Sulpice et Sabine, gardaient leurs droits à l'affection et à la gratitude de tous. Dès que l'on sut dans la foule que ce groupe d'ouvriers connaissait la victime et ses enfants, on les entoura, multipliant les questions relatives au crime et à ses tristes probabilités. « Croyez-vous, demanda une femme, que Mademoiselle Pomerol assiste à l'audience ?»« C'est un ange et elle viendra, dut-elle mourir de honte ?» répondit Blancadet. « Et l'abbé Sulpice ? Lui, c'est autre chose. Il ne viendra pas. Est-ce qu'il repousse son frère ? Vous n'avez donc rien appris de ce qui s'est passé ? Et que s'est-il encore passé dans cette maison ? Une chose terrible et qui, voyez-vous, se rapporte à la grande affaire. Monsieur Sulpice a été victime d'une tentative d'assassinat. « Lui ? » répétèrent plusieurs voix. Oh, les journaux se sont tus là-dessus, parce que M. Sulpice, par pitié pour le misérable agresseur, a refusé de le dénoncer. Mais un soir, il était près de minuit, on a ramené dans une voiture M. Sulpice évanoui et la tête fendue. Un passant l'avait trouvé gisant sur le trottoir. Il ne s'agit point d'un accident, à mon avis. On a questionné le blessé dès qu'il a ouvert les yeux. Il s'est contenté de répondre « Je suis tombé ». Puis le transport au cerveau l'a pris et, à partir de cette heure, il a divagué comme un pauvre insensé. « Le malheur est sur cette famille !» dit un vieillard. « Et c'est Mademoiselle Sabine qui emporte le plus lourd fardeau, allez. Elle a veillé son frère toutes les nuits, sauf deux. Celle-là, c'est l'ancien secrétaire de M. Pomerol qui les a passés. » Un garçon que je croyais égoïste et qui s'est montré bien dévoué depuis la mort de notre patron. Il est vrai qu'en le remerciant, on lui a compté 6 mois d'appointement. Mais il n'empêche, beaucoup de jeunes gens à la place de Mac Mauduit ne seraient pas venus s'informer avec tant de sollicitude de la santé de M. Sulpice. « Mais il me semble, dit une femme, que sa déposition serait bien importante et qu'elle servirait beaucoup à l'accusé. « Le bon Dieu veut garder ce secret-là, m'est avis, » fit Blancadet. « C'est égal, si j'étais le président, j'aurais agi comme j'ai lu dans les livres que cela se passait autrefois, quand on rendait la justice, j'aurais fait venir l'homme des bois. Liplap ? Demanda un enfant. Eh oui, Liplap, vous avez retenu son nom. Une brave bête qui a failli mourir en défendant son maître. Je lui aurais montré le couteau qui a servi au meurtrier. Et je lui aurais dit, comme au bon chien de chasse, cherche. Et si, se trouvant en face de l'accusé, l'homme des bois ne l'avait pas étranglé net, c'est que monsieur Xavier n'est pas coupable. Je soutiens que, puisque Liplap sait seule la vérité, c'est à Liplap qu'il faut la demander. Et pourquoi pas plutôt à l'abbé Sulpice ? Fit une voix. Lui ? Répliqua Blancadet. Il n'était pas là. Il sait tout ? Ajouta un vieillard. J'ai beaucoup suivi la cour d'assises. Rarement je me suis trompé. Oui, l'abbé Sulpice connaît la vérité tout entière. Alors, pourquoi ne l'a-t-il point révélée ? Peut-être ne le peut-il pas. Qui l'empêcherait de dire ce qui serait le salut de son frère ? Monsieur Sulpice Pomereul est prêtre, et nul de nous ne peut affirmer que l'on ne s'est pas servi de cette situation exceptionnelle pour l'obliger à garder le silence. Mais il s'agit de son frère. Qu'importe ! Il s'agirait de sa propre vie. Il devrait se taire. Oh, ce serait horrible ! Dit une femme. Horrible, en effet, mais d'un exemple héroïque, sublime. Ce serait la meilleure raison à opposer à ceux qui nient l'obligation de ce secret pour le prêtre. Il est bon que, de temps en temps, des faits de ce genre ravivent la confiance et la foi dans les masses. L'idée émise par le vieillard se répandit vite dans la foule. Elle souleva une immense pitié et grandit encore l'intérêt qui s'attachait à cette cause mystérieuse. Seulement, elle doubla le regret de tous de ne pouvoir entendre la déposition de l'abbé Sulpice. Quand l'horloge sonna 11 heures, les soldats debout sur les dernières marches donnant accès dans la salle d'audience se reculèrent au moment où l'huissier, ouvrant la porte à deux battants, cria de sa voix glapissante « Chapeau bas, messieurs, la cour !» Un silence glacial suivit l'entrée des magistrats. Les juges prirent place devant la grande table couverte de draps verts sur laquelle s'entassaient les pièces du dossier. Sur une table plus petite et plus rapprochée du prétoire se trouvaient les pièces à conviction étiquetées et numérotées. Les jurés parurent ensuite. On procéda à leur appel nominal, puis le président donna ordre que l'on introduisît l'accusé. Les hommes, les femmes se levèrent. Tous les regards, toutes les jumelles se tournèrent avidement vers Xavier Pomereul. Sa pâleur était livide, ses mains se crispaient. Quand il se fut assis sur son banc, il ne parut pas entendre les paroles d'encouragement que lui prodiguait Léon Rameau. Cette foule curieuse, avide, cruelle, l'effarait, comme la meute épouvante le cerf. Enfin, il fit un violent effort sur lui-même et masqua son visage d'immobilité, tandis que l'avocat feuilletait la serviette gonflée renfermant ses notes et les documents du procès. Xavier, interrogé par le président sur ses noms, prénoms et qualités, répondit d'une voix presque indistincte. Le greffier commença ensuite la lecture de l'acte d'accusation. Il était écrasant de logique. Chaque point de cette accusation se trouvait établi d'une façon mathématique, et après l'avoir entendu, il paraissait impossible de trouver une seule objection à opposer à cette œuvre concise et claire, dont ni la haine ni la partialité n'avaient dicté les termes. Si sûr qu'il fût de son innocence, Xavier, en l'entendant, demeura stupéfait. À partir de ce moment, son esprit passa par une phase étrange. Il lui parut, non pas qu'il s'agissait de lui, mais de l'existence d'un autre. D'acteur dans cette épouvantable scène, il devint auditeur. Sa placidité se changea en une sorte de curiosité maladive. Il se demandait ce qu'il allait devenir de l'homme accusé de la sorte. Un moment, il songea même à ne plus se défendre. À quoi bon ? Le témoignage de son frère, qui pouvait le sauver, était devenu impossible à réclamer. Dieu ne voulait pas laisser éclater son innocence, il devait garder au moins le vulgaire courage de mourir. Tandis qu'il s'abandonnait ainsi lui-même, une femme en deuil parut, et M. Rameau, l'ayant reconnue, lui offrit son bras et l'amena près du banc du prisonnier. Cette femme leva son voile, c'était Sabine. La douleur avait pâli son charmant visage et tracé un sillon bleuâtre sous ses yeux, mais on retrouvait dans l'expression désolée de son visage son angélique douceur et son exquise bonté. Elle ne put adresser la parole à Xavier, mais elle lui jeta un regard éloquent qui signifiait « Ce que tu dédaigneras de faire pour toi-même, fais-le pour nous, il s'agit de l'honneur. » La vue de Sabine ranima l'énergie de l'accusé. Sa taille se redressa, son regard retrouva son assurance et, sans forfanterie, mais sans peur, il promena ses yeux sur l'auditoire. Les femmes paraissaient touchées de sa jeunesse et de son élégance, et la malheureuse enfant inspira une pitié générale. On procéda à l'audition des témoins. Ils racontèrent le peu qu'ils savaient. Le docteur répéta son procès-verbal scientifique, puis, à titre de simple renseignement, on entendit Sabine. La jeune fille s'avança, toute tremblante, jusqu'à la barre, et, d'une voix timbrée et pure, elle parla longtemps de Xavier, sans que le président eût le courage de l'interrompre. Elle raconta leur jeunesse à tous deux, leur amitié, la tendresse de son père pour Xavier, ses faiblesses peut-être. Quand elle en vint à rappeler la sinistre matinée où elle avait vu le cadavre de son père et où l'on avait emmené Xavier de l'hôtel Pomerol, la jeune fille s'écria en terminant « Est-ce que Xavier aurait eu le courage de me revoir s'il avait assassiné mon père? Son affection pour moi, ses baisers me sont la meilleure garantie de son innocence. » Le nom de l'abbé Sulpice fut ensuite appelé pour la forme, et le médecin vint déclarer qu'il était impossible qu'il se présentât. Le président fit du reste remarquer que sa déposition écrite renfermait tout ce qu'il aurait pu dire. La liste des témoins épuisée, la parole appartenait au ministère public. L'avocat général prit Xavier corps à corps, et sans même s'occuper de ses dénégations, il l'écrasa de preuves et lui montra son forfait dans toute son horreur, puis il finit en disant « Vous avez dédaigné le travail qui avait fait votre père riche et honoré. Vous avez méprisé la vertu qui avait érigé votre foyer en sanctuaire. Les passions vous ont prise à la floraison de votre jeunesse pour faire d'abord de vous un inutile, puis un être vicieux, et finir par vous ravaler au rang des faussaires, des voleurs et des meurtriers. Il n'y aura point de pitié pour vous qui avez dédaigné l'exemple de votre frère, cet apôtre qui porte avec lui la consolation, pour vous qui avez fait couler les pleurs d'une sœur angélique. Il n'y aura point de miséricorde sur la terre pour le misérable dont la soif de l'or a fait un assassin. Demandez grâce et merci au Dieu qui pardonne à tous, mais n'attendez des hommes qu'une justice implacable qui jette à l'avance sur vous le voile noir des parricides. » Sabine cacha son front dans ses mains. Léon Rameau serra les mains de l'accusé et lui murmura « Reprends courage, c'est à mon tour. » Le jeune avocat possédait une éloquence puissante qui, sans jamais recourir aux petits moyens, trouvait des effets imprévus et superbes. On connaissait son talent hors ligne, on aimait cette parole imagée dont le prestige s'exerçait sur tous. Mais cette fois, si la confiance dans Rameau et si son succès d'orateur ne restait douteux pour personne, il ne subsista cependant dans l'esprit d'aucun des auditeurs l'espoir qu'il obtiendrait l'acquittement de Xavier. Avant le réquisitoire, la foule était déjà convaincue de la culpabilité de Xavier. Après le discours de l'avocat général, il ne resta plus que quelques partisans à l'accuser. L'avocat le comprit et se levant avec impétuosité. « Messieurs de la cour, dit-il, messieurs les jurés, je vois ici des juges et je cherche des témoins. J'entends une accusation virulente, passionnée, et je demande des preuves. Vous étalez sous mes yeux une scène lamentable. » pendant laquelle le sang d'un vieillard coule au milieu de la nuit, et j'implore du jour, de l'air, vous épaississez les ténèbres, et je veux que la lumière se fasse. » Il sembla à l'assemblée tout entière qu'on lui enlevait une partie de son oppression. L'accent de l'avocat était si convaincu, son geste gardait tant d'autorité, son visage reflétait une conviction si forte qu'un grand nombre d'auditeurs oublièrent qu'une minute auparavant, leur opinion sur Xavier leur paraissait irrévocable. « Tout est mystère dans cette cause, messieurs, » reprit Léon Rameau. « Où vous voyez un criminel, j'en découvre deux. Vous me répétez que la déposition de l'abbé Sulpice doit me suffire, et je vous crie, je ne m'en contente pas. Vous me montrez un prêtre dans ce témoin, et j'ai besoin d'un homme qui sait le mot de ce drame horrible, un saint à qui, sans nul doute, les obligations d'un redoutable ministère ferment la bouche, puis un être infime dans l'ordre de la création, l'ange et la bête, l'un que son serment rend silencieux comme la tombe, l'autre, misérable créature, vouée au silence éternel. Et cependant, l'Hyplap dont la poitrine fut trouée par un des assassins, l'Hyplap qui s'est défendu et dont la main crispée tenait encore quand on le releva une poignée des cheveux du meurtrier, l'Hyplap a vu. Vous criez en montrant l'accusé, il a forcé la caisse paternelle, donc il a tué. Et moi je vous le dis, il n'a pas même dérobé. Depuis quand la tentation est-elle prise pour la faute ? Il vous l'a dit en levant par hasard les yeux, au moment de commettre un crime, il a rencontré le portrait de sa mère et il a reculé, honteux, terrifié, et il s'est enfui. Non, il n'a pas tué son père, ce prodigue. Il a, durant cette nuit de meurtre et de deuil, versé des larmes d'amer repentir, et c'est au moment où il entrait dans une voie nouvelle que vous l'avez jeté au fond d'un cachot en l'appelant parricide. Ah, tenez, messieurs, ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de porter la parole devant vous, mais jamais, jamais la cause d'un accusé ne me parut plus juste. Jamais je ne souhaitais tant vous convaincre que vous avez devant vous non pas un assassin, mais un malheureux. Mon Dieu, vous ne faites donc plus de miracles, poursuivit l'avocat. Que vous n'envoyez pas ici, armé du droit de tout dire, celui qui seul sait tout, du sein de la souffrance, de la folie, du sein même de la mort, il me semblait à moi que l'abbé Sulpice devait sortir pour comparaître ici. « Me voilà !» dit une voix faible comme un souffle, et l'on vit avec stupéfaction l'abbé Sulpice apparaître dans la baie de la porte, livrant passage aux témoins. Un cri de pitié, d'épouvante, s'échappa de toutes les poitrines. L'abbé Sulpice, chancelant, vêtu de son ample robe noire, sans ceinture, le visage blanc comme un suaire, semblait une évocation surhumaine. Une ligne rouge coupait en deux son front de la couleur de l'ivoire, et cette cicatrice, saignante encore, le faisait ressembler à la figure de quelque saint martyr. Sabine se leva et fit deux pas vers lui. Sulpice regarda Xavier. À la vue de son frère sortant, pour ainsi dire, du sépulcre pour le venir défendre, le cœur de l'accusé s'emplit soudainement d'espoir. Ses yeux, agrandis par la fièvre, rougis, brûlés par les larmes, se fixèrent sur les yeux de l'abbé Sulpice avec une expression d'instante prière. Il semblait lui demander à la fois la vie, son honneur, son éternité. Cette entrée dramatique suspendit brusquement la plaidoirie de Maître Rameau. Une extrême agitation se manifesta au banc des jurés, et les feuilletonistes de la cour d'assises tracèrent vivement quelques lignes pour rendre l'impression produite par cet incident. Le président prit la parole pour déclarer qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il entendrait les renseignements que venait apporter l'abbé Sulpice. Le malheureux Xavier, cramponné au banc de la défense, chancelait et devenait de plus en plus pâle. Voici ce qui s'était passé le matin même de ce jour. Depuis un mois, le jeune prêtre se débattait au milieu d'atroces souffrances physiques. Le délire lui enlevait le sentiment de la réalité. Le médecin osait à peine, la veille encore, répondre de la raison pour l'avenir. Le matin de ce jour, Sulpice sentit se dissiper un peu les ténèbres dans lesquelles se débattait son esprit. Il fit des efforts pour tenter de retrouver la mémoire. Dressé sur son séant, comprimant son front à deux mains, il essayait de ressaisir la lucidité de sa pensée. Un incident lui vint subitement en aide. Liplap, qui, depuis la maladie de son jeune maître, ne quittait guère sa chambre, le pauvre Liplap, qui se traînait lentement et retrouvait à peine ses forces, avait trouvé sur la cheminée un calendrier et, assis sur une chaise basse, promenant ses longs doigts sur les caractères, il semblait se dépiter de ne pouvoir, comme les autres, en comprendre le sens. Lassé de ses efforts, il se leva et, sans bruit, s'approcha du lit de Sulpice au moment où celui-ci, accoudé sur les oreillers, essayait de se souvenir et de rattacher le présent au passé. Le geste de Liplap, lui tendant le calendrier, le frappa. Il saisit le carton couvert de dates et son regard se fixa sur celle que lui désignait au hasard le chimpanzé. Providence ! Cette date éveilla tout à coup la pensée engourdie du malade. 18 août, fit-il, 18 août. Il cherche encore, promena autour de lui ses regards vagues, puis sans transition la lumière éclata dans sa mémoire. Xavier, dit-il, Xavier. Sulpice tira le cordon de la sonnette et Baptiste accourut. Mon ami, dit le prêtre, où est Sabine ? Le vieux domestique baissa la tête et ne répondit pas. « Là-bas ? » demanda Sulpice. Baptiste fit un signe affirmatif. « Écoute, » dit Sulpice d'une voix presque indistincte. « Je vais y aller, moi aussi. Ne dis pas non. J'irai quand j'en devrais mourir. »« Allez, mon jeune maître, » répondit le serviteur en fondant en larmes. « Et ramenez-nous, monsieur Xavier. » Sulpice prit quelques gouttes d'un cordial et, se sentant plus fort, il envoya chercher une voiture. Baptiste y monta en même temps que lui, et le jeune prêtre, arrivé au palais de justice, se rendit à la salle des témoins et franchit ensuite le seuil de la salle d'audience. Une indicible émotion remplissait toutes les âmes. Le drame se déplaçait. On ne voyait plus Xavier Pomereul. Tous les regards se tournaient vers cette figure que couronnait une auréole sanglante. Un silence religieux régnait dans l'auditoire. Chacun sentait que la vie de Xavier dépendait des paroles que prononcerait son frère. « Vous êtes proche parent de l'accusé, » dit le président en s'adressant à Sulpice. « Je ne vous requiers donc point de prêter serment, sûr d'avance que vous ne direz pas une parole contraire à la vérité. » « Monsieur le président, » répondit Sulpice, « je ne dirai que la vérité. » Puis, se tournant vers son frère, « Pardonne-moi, » ajouta-t-il, « si je ne dis pas toute la vérité. »« Qu'avez-vous à apprendre au tribunal ?» reprit le président en s'adressant à l'abbé Sulpice. « Mon frère est innocent, » dit le jeune prêtre en levant les mains vers l'image du crucifié placé en face de lui. « Pouvez-vous le prouver ?»« Monsieur le président, » dit Sulpice, « le soir du crime, deux hommes se présentèrent à l'hôtel Pomereul et demandèrent à me parler. Ces deux hommes ne montèrent pas à ma chambre. Ils n'avaient nul besoin de moi. Il leur fallut peu de temps pour accomplir leur forfait. L'argent volé, la victime frappée, ils sortirent tranquillement. La porte de l'appartement de mon père était à peine fermée quand je rentrais d'une longue course. Je devinais un danger. Il s'agissait pour eux de s'assurer de mon silence. Il leur était facile de me tromper. On sait que j'appartiens corps et âme à ceux qui souffrent. L'un d'eux me dit qu'il réclamait les secours de la religion pour un être en détresse d'âme, et je suivis ces hommes. « Pouvez-vous nous indiquer où ils vous conduisirent ?»« Je l'ignore absolument, monsieur le président, mais si je m'en souvenais, je ne me croirais point le droit de le révéler. À peine fûmes-nous arrivés dans une maison délabrée, que l'un des misérables tomba à genoux et m'apprit, sous le sceau de la confession, le crime qu'il venait de commettre. « Et vous avez vu le visage de cet homme ?»« Je l'ai vu. »« Vous le reconnaîtriez ?»« Je le connaissais d'avance. » « Dans quelles circonstances l'aviez-vous vu ?»« J'avais eu l'occasion de lui sauver la vie, » répondit simplement Sulpice. « Son nom ?» demanda le président. « Vous savez son nom ?»« Je le sais. » »« Alors, il ne vous reste plus qu'un mot à dire pour sauver votre frère. » Sulpice se cramponna à la barre. « Le nom que je sais, je ne puis le révéler à la justice. Celui dont vous avez fixé l'image à cette muraille me le défend. » Il faut me croire sur mon honneur de prêtre, sur ma parole de chrétien, mais il ne faut pas me demander de preuves. Il m'est interdit de vous en fournir. » Le président et les juges se regardèrent. Xavier, qui s'était levé sur son banc, en proie à une agitation pleine d'espérance, retomba brusquement anéanti. Sabine étouffa en sanglots. L'émotion du public était à son comble. Les uns admiraient l'abbé Sulpice, les autres s'étonnaient qu'il ne parlât pas sans tenir compte du secret inviolable de la confession. Le président dit d'une voix grave à l'abbé Sulpice « Messieurs les jurés apprécieront la valeur de vos renseignements. Ce n'est pas dans le sanctuaire de la justice que l'on vous encouragera à trahir votre conscience et votre Dieu. » Vos devoirs sont rigoureux, les nôtres restent implacables. » L'avocat général comprit que l'apparition de Sulpice, les simples paroles qu'il venait de prononcer, pouvaient plus pour la défense de Xavier que l'éloquence de Léon Rameau. Aussi, ne voulant à aucun prix se laisser arracher sa cruelle victoire, l'organe du ministère public répliqua-t-il à l'avocat pour réduire à néant sa chaleureuse plaidoirie et effacer l'impression produite par l'abbé Pomereul. Cette fois, il ne songea plus à faire preuve de science et de beau langage. Il ne chercha pas les périodes pompeuses, mais sa voix mordante, ses paroles brèves, hachées, ses arguments sans réplique, lancés comme des flèches, se succédèrent sans relâche. Il parla de l'abbé Sulpice avec les plus grands éloges, mais il rappela la cruelle maladie qui venait de le briser. Il ajouta que, sans nul doute, cette confession de deux hommes mystérieux dans une maison inconnue était une des dernières visions de son délire, et termina en réclamant d'une voix foudroyante la condamnation du parricide. Sulpice était près de Sabine, non pas assis comme elle, mais courbé sur ses genoux, entendant tonner la parole vengeresse de l'avocat général et se disant qu'il ne pouvait rien, rien pour sauver désormais son frère. Léon Rameau répondit à l'avocat général, mais on sentait que sa confiance était moins grande que la première fois. En effet, si la déposition de Sulpice ne sauvait pas Xavier, elle semblait presque un subterfuge fraternel, un piège tendu aux jurés, un moyen d'émouvoir la foule, concerté peut-être, qui sait, avec l'avocat lui-même. Le jury entra dans la salle des délibérations. Les gendarmes entraînèrent Xavier. Les assistants se partageaient en deux camps. Les uns croyaient à la véracité des paroles de l'abbé Pomereul et demandaient l'acquittement de Xavier. Les autres hochaient la tête en répétant « Vous voyez bien que c'est une finesse d'avocat. Est-ce que la confession est sérieuse quand il s'agit d'assassins ? Moi, j'aurais tout dit d'abord. J'aurais voulu sauver mon frère. Tant pis pour la religion. » Chacun parlait, discutait la valeur du réquisitoire et le talent déployé par l'avocat. Les amis se cherchaient, s'abordaient. Ne fallait-il pas employer le temps durant cette délibération qui se prolongeait outre mesure ? Généralement, on augurait bien pour l'accusé de l'indécision du jury. Au bout d'une heure et demie, il rentra en séance. Alors, d'une voix émue et au milieu d'un silence profond, le président lut la décision de ses collègues. Xavier Pomereul était reconnu coupable. Cependant, et sans nul doute, on tenait compte de la déposition de Sulpice, on admettait des circonstances atténuantes. C'était le seul moyen de ne pas condamner Xavier à la peine de mort, le seul moyen de permettre au temps d'accomplir son œuvre, à la Providence de dire son dernier mot. Un murmure de stupeur suivit les paroles terribles du président du jury, et quand Xavier reparut, il aurait pu deviner son sort à l'attitude de tous. Mais il ne vit rien. Son regard restait fixé sur les juges. Il attendait la lecture de la sentence. En entendant ces mots « reconnu coupable », il étouffa en sanglots, et quand on lui appliqua la peine des travaux forcés à perpétuité, il murmura « j'aurais mieux aimé la mort ». « Non, Xavier, non, mon frère, » dit Sulpice en essayant de saisir les mains du prisonnier, « car Dieu permettra que la lumière se fasse et que la liberté te soit rendue ». Mais repoussant l'abbé Sulpice d'un geste implacable, Xavier lui répondit « Toi qui pouvais me sauver et qui ne l'as pas fait, je te renie ». Une seconde après, le président ayant demandé au condamné « Avez-vous quelque chose à objecter sur l'application de la peine ?»« Je suis innocent !» répéta Xavier. « Je suis innocent !» Sabine tomba dans les bras de Sulpice, tandis qu'on emmenait Xavier. « Pauvre martyr » dit-elle. « Qui te consolera jamais dans de telles épreuves ?» Sulpice désigna de la main le tableau représentant le Christ en croix. « Lui ?» dit-il. Et guidé par Léon Rameau, il regagna avec sa sœur la voiture qu'il avait amenée.